Les oiseaux la berçaient de leurs chansons joyeuses, et les gouttes de rosée condensées sur les feuilles de saule qui tombaient dans l'eau faisaient une musique cristalline. Quand le sifflet déchira le silence de la campagne, elle fut vite sur ses pieds, et après une toilette soignée au bord de l'étang, elle se prépara à partir. Mais sortir de son île en remettant le pont en place lui parut un moyen qui, en plus de sa vulgarité, présentait ce danger d'offrir le passage à ceux qui pourraient vouloir entrer dans l'Eau-Mûche, si tant était que quelqu'un eût avant l'hiver cette idée invraisemblable. Elle restait devant le fossé, se demandant si elle pourrait le franchir d'un bond, quand elle aperçut une longue branche qui étayait l'Eau-Mûche du côté où les saules manquaient, et la prenant, elle s'en servit pour sauter le fossé à la perche, ce qui pour elle, habituée à cet exercice qu'elle avait pratiqué bien souvent, fut un jeu. Peut-être était-ce là une façon peu noble de sortir de son royaume, mais comme personne ne l'avait vu, au fond, cela importait peu. D'ailleurs, les jeunes reines doivent pouvoir se permettre des choses qui sont interdites aux vieilles. Après avoir caché sa perche dans l'herbe de l'oseraie, pour la retrouver quand elle voudrait rentrer le soir, elle partit et arriva à l'usine une des premières. Alors, en attendant, elle vit des groupes se former et discuter avec une animation qu'elle n'avait pas remarquée la veille. Que se passait-il donc ? Quelques mots qu'elle entendit au hasard le lui apprirent. « Pauvre fille, on y a coupé le dé. Le petit dé, le petit dé. Et l'autre, on n'y a pas coupé. Elle a crié. C'était des beuglements à faire pleurer ceux qui l'y entendaient. » Perrine n'avait pas besoin de demander à qui on avait coupé le doigt. Et après le premier saisissement de la surprise, son cœur se serra. Sans doute, elle ne la connaissait que depuis 2 jours, mais celle qui l'avait accueillie à son arrivée, qui l'avait guidée, l'avait traitée en camarade, c'était cette pauvre fille qui venait de si cruellement souffrir et qui allait rester estropiée. Elle réfléchissait, désolée, quand, en levant les yeux machinalement, elle vit venir Bendit. Alors, se levant, elle alla à lui, sans bien savoir ce qu'elle faisait et sans se rendre compte de la liberté qu'elle prenait, dans son humble position, d'adresser la parole à un personnage de cette importance qui de plus était anglais. « Monsieur, dit-elle en anglais, voulez-vous me permettre de vous demander, si vous le savez, comment va Rosalie ?» Chose extraordinaire, il daigna abaisser les yeux sur elle et lui répondre. « J'ai vu sa grand-mère ce matin, qui m'a dit qu'elle avait bien dormi. Ah, monsieur, je vous remercie. » Mais Bendit, qui de sa vie n'avait jamais remercié personne, ne sentit pas tout ce qu'il y avait d'émotion et de cordiale reconnaissance dans l'accent de ces quelques mots. « Je suis bien aise, » dit-il en continuant son chemin. Pendant toute la matinée, elle ne pensa qu'à Rosalie, et elle put d'autant plus librement suivre sa vision que déjà elle était faite à son travail, qui n'exigeait plus l'attention. À la sortie, elle courut à la maison de Mère Françoise, mais comme elle eut la mauvaise chance de tomber sur la tante, elle n'alla pas plus loin que le seuil de la porte. « Voir Rosalie ? Pourquoi faire ? Le médecin a dit qu'il ne fallait pas l'éluger. Quand elle se lèvera, elle vous racontera comment elle s'est fait estropier, l'imbécile. » La façon dont elle avait été accueillie le matin l'empêcha de revenir le soir, puisque certainement elle ne serait pas mieux reçue, elle n'avait qu'à rentrer dans son île qu'elle avait hâte de revoir. Elle la retrouva telle qu'elle avait quittée, et ce jour-là, n'ayant pas de ménage à faire, elle put souper tout de suite. Elle s'était promis de prolonger ce souper, mais si petit qu'elle coupa ses morceaux de pain, elle ne put pas les multiplier indéfiniment, et quand il ne lui en resta plus, le soleil était encore haut à l'horizon. Alors, s'asseyant au fond de l'Eau-Mûche, sur le billot, la porte ouverte, ayant devant elle l'étang et au loin les prairies coupées de rideaux d'arbres, elle rêva au plan de vie qu'elle devait se tracer. Pour son existence matérielle, 3 points principaux d'une importance capitale se présentaient. Le logement, la nourriture, l'habillement. Le logement, grâce à la découverte qu'elle avait eu l'heureuse chance de faire de cette île, se trouvait assuré, au moins jusqu'en octobre, sans qu'elle eût rien à dépenser. Mais la question de nourriture et d'habillement ne se résolvait pas avec cette facilité. Était-il possible que pendant des mois et des mois, 1 livre de pain par jour fût un aliment suffisant pour entretenir les forces qu'elle dépensait dans son travail ? Elle n'en savait rien, puisque jusqu'à ce moment, elle n'avait pas travaillé sérieusement. La peine, la fatigue, les privations, oui, elle les connaissait. Seulement c'était par accident pour quelques jours malheureux, suivi d'autres qui effaçaient tout. Tandis que le travail répété, continu, elle n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait être, pas plus que des dépenses qu'il exigeait à la longue. Sans doute, elle trouvait que depuis 2 jours, ses repas tournaient court. Mais ce n'était là, en somme, qu'un ennui pour qui avait connu comme elle le supplice de la faim. Qu'elle restât sur son appétit n'était rien si elle conservait la santé et la force. D'ailleurs, elle pourrait bientôt augmenter sa ration et aussi mettre sur son pain un peu de beurre, un morceau de fromage. Elle n'avait donc qu'à attendre et quelques jours de plus ou de moins, les semaines même n'étaient rien. Au contraire, l'habillement, au moins pour plusieurs de ses parties, était dans un état de délabrement qui l'obligeait à agir au plus vite, car les raccommodages faits pendant ces quelques journées de séjour auprès de la roquerie ne tenaient plus. Ses souliers, particulièrement, étaient si bien amincis que la semelle fléchissait sous le doigt quand elle la tâtait. Il n'était pas difficile de calculer le moment où elle se détacherait de l'empeigne, et cela se produirait d'autant plus vite que pour conduire son wagonnet, elle devait passer par des chemins empierrés depuis peu, où l'usure était rapide. Quand cela arriverait, comment ferait-elle ? Évidemment, elle devrait acheter de nouvelles chaussures, mais devoir et pouvoir sont deux. Où trouverait-elle l'argent de cette dépense ? La première chose à faire, celle qui pressait le plus, était de se fabriquer des chaussures, et cela présentait pour elle des difficultés qui, tout d'abord, quand elle en envisagea l'exécution, la découragèrent. Jamais elle n'avait eu l'idée de se demander ce qu'était un soulier. Mais quand elle en eut retiré un de son pied pour l'examiner, et qu'elle vit comment l'empeigne était cousue à la semelle, le quartier réuni à l'empeigne et le talon ajouté au tout, elle comprit que c'était un travail au-dessus de ses forces et de sa volonté, qui ne pouvait lui inspirer que du respect pour l'art du cordonnier. Fait d'une seule pièce et dans un morceau de bois, un sabot était par cela même plus facile. Mais comment le creuser quand pour tout outil elle n'avait que son couteau ? Elle réfléchissait tristement à ses impossibilités, quand ses yeux, errant vaguement sur l'étang et ses rives, rencontrèrent une touffe de roseaux qui les arrêta. Les tiges de ces roseaux étaient vigoureuses, hautes, épaisses, et parmi celles poussées au printemps, il y en avait de l'année précédente tombées dans l'eau, qui ne paraissaient pas encore pourries. Voyant cela, une idée s'éveilla dans son esprit. On ne se chausse pas qu'avec des souliers de cuir et des sabots de bois. Il y a aussi des espadrilles dont la semelle se fait en roseaux tressés et le dessus en toile. Pourquoi n'essayerait-elle pas de se tresser des semelles avec ses roseaux, qui semblaient pousser là exprès pour qu'elle les employât, si elle en avait l'intelligence ? Aussitôt, elle sortit de son île, et suivant la rive, elle arriva à la touffe de roseaux, où elle vit qu'elle n'avait qu'à prendre à brasser parmi les meilleures tiges, c'est-à-dire celles qui, déjà desséchées, étaient cependant flexibles encore et résistantes. Elle en coupa rapidement une grosse botte qu'elle rapporta dans l'aumuche, où aussitôt elle se mit à l'ouvrage. Mais après avoir fait un bout de tresse d'un mètre de long à peu près, elle comprit que cette semelle, trop légère parce qu'elle était trop creuse, n'aurait aucune solidité, et qu'avant de tresser les roseaux, il fallait qu'ils subissent une préparation qui, en écrasant leurs fibres, les transformerait en grosses filasses. Cela ne pouvait l'arrêter ni l'embarrasser. Elle avait un billot pour battre dessus les roseaux. Il ne lui manquait qu'un maillet ou un marteau. Une pierre arrondie qu'elle alla choisir sur la route lui en tint lieu. Et tout de suite, elle commença à battre les roseaux, mais sans les mêler. L'ombre de la nuit la surprit dans son travail, et elle se coucha en rêvant aux belles espadrilles à rubans bleus qu'elle chausserait bientôt, car elle ne doutait pas de réussir, sinon la première fois, au moins la seconde, la troisième ou la dixième. Mais elle n'alla pas jusque-là. Le lendemain soir, elle avait assez de tresses pour commencer ses semelles, et le surlendemain, ayant acheté une haleine courbe qui lui coûta un sou, une pelote de fil un sou aussi, un bout de ruban de coton bleu du même prix, 20 centimètres de gros coutil, moyennant 4 sous, en tout 7 sous, qui était tout ce qu'elle pouvait dépenser si elle ne voulait pas se passer de pain le samedi, elle essaya de façonner une semelle à l'imitation de celle de son soulier. La première se trouva à peu près ronde, ce qui n'est pas précisément la forme du pied. La deuxième, plus étudiée, ne ressembla à rien. La troisième ne fut guère mieux réussie, mais enfin la quatrième, bien serrée au milieu, élargie au doigt, rapetissée au talon, pouvait être acceptée pour une semelle. Quelle joie ! Une fois de plus, la preuve était faite qu'avec de la volonté, de la persévérance, on réussit ce qu'on veut fermement, et même ce qui d'abord paraît impossible, et qu'on n'a pour toute aide qu'un peu d'ingéniosité, sans argent, sans outils, sans rien. L'outil qui lui manquait pour achever ses espadrilles, c'était des ciseaux. Mais leur achat entraînerait une telle dépense qu'elle devait s'en passer. Heureusement, elle avait son couteau, et au moyen d'une pierre aiguisée qu'elle alla chercher dans le lit de la rivière,

Un bruit se produisit à ses pieds qui l'effara, et une sarcelle se jeta à l'eau en se sauvant effrayée. Alors, en regardant d'où elle était partie, elle aperçut un nid fait de brins d'herbe et de plumes, dans lequel se trouvaient 10 œufs d'un blanc sale, avec de petites taches de couleur noisette. Au lieu d'être posée sur la terre et dans les herbes, ce nid flottait sur l'eau. Elle l'examina pendant quelques minutes, mais sans le toucher, et remarqua qu'il était construit de façon à s'élever ou s'abaisser selon la crue des eaux, et si bien entouré de roseaux que ni le courant, si une crue en produisait un, ni le vent ne pouvait l'entraîner. De peur d'inquiéter la mer, elle alla se placer à une certaine distance et resta là, immobile. Cachée dans les hautes herbes où elle avait disparu en s'asseyant, elle attendit pour voir si la sarcelle reviendrait à son nid. Mais comme celle-ci ne reparut pas, elle en conclut qu'elle ne couvait pas encore et que ses œufs étaient nouvellement pondus. Alors elle reprit sa promenade et de nouveau, au frôlement de sa jupe dans les herbes sèches, elle vit partir d'autres oiseaux effrayés. Des poules d'eau, si légères dans leur fuite qu'elles couraient sur les feuilles flottantes des nénuphars sans les enfoncer, des raies au bec rouge, des bergeronnettes sautillantes, des troupes de moineaux qui, dérangées au moment de leur coucher, la poursuivaient d'un cri auquel ils doivent leur nom dans le pays, « Cracra ». Allant ainsi à la découverte, elle ne tarda pas à arriver au bout de son entaille et reconnut qu'elle se réunissait à une autre plus large et plus longue, mais par cela même beaucoup moins boisée. Aussi, après avoir suivi dans la prairie une de ses rives pendant un certain temps, s'expliqua-t-elle que les oiseaux y fussent moins nombreux. C'était son étang, avec ses arbres touffus, ses grands roseaux foisonnants, ces plantes aquatiques qui recouvraient les eaux d'un tapis de verdure mouvante que ce monde ailé avait choisi parce qu'il y trouvait sa nourriture aussi bien que sa sécurité. Et quand, une heure après, en revenant sur ses pas, elle le revit à demi noyé dans l'ombre du soir, si tranquille, si vert, si joli, elle se dit qu'elle avait eu autant d'intelligence que ces bêtes de le prendre, elle aussi, pour nid. Chapitre 21. Chez Perrine, c'était bien souvent les événements du jour écoulé qui faisaient les rêves de sa nuit, de sorte que les derniers mois de sa vie ayant été remplis par la tristesse, il en avait été de ses rêves comme de sa vie. Que deux fois depuis que le malheur avait commencé à la frapper, s'était-elle éveillée, baignée de sueur, étouffée par des cauchemars qui prolongeaient dans le sommeil les misères de la réalité. À la vérité, après son arrivée à Maraucourt, sous l'influence des pensées d'espoir qui renaissaient en elle comme aussi sous celles du travail, ses cauchemars, moins fréquents, étaient devenus moins douloureux. Leur poids avait pesé moins lourdement sur elle, leurs doigts de fer l'avaient serrée moins fort à la gorge. Maintenant, lorsqu'elle s'endormait, c'était au lendemain qu'elle pensait. À un lendemain assuré, ou bien à l'atelier, ou bien à son île, ou bien encore à ce qu'elle avait entrepris ou voulait entreprendre pour améliorer sa situation, ses espadrilles, sa chemise, son caraco, sa jupe. Et alors son rêve, comme s'il obéissait à une suggestion mystérieuse, mettait en scène le sujet qu'elle avait tâché d'imposer à son esprit. Tantôt un atelier dans lequel la baguette d'une fée remplaçant le pilon de la quille donnait le mouvement aux mécaniques sans que les enfants qui les conduisaient eussent aucune peine à prendre. Tantôt un lendemain radieux, tout plein de joie pour tous. Une autre fois, il faisait surgir une nouvelle île d'une beauté surnaturelle, avec des paysages et des bêtes aux formes fantastiques qui n'ont de vie que dans les rêves. Ou bien encore, plus terre à terre, son imagination lui donnait à coudre des bottines merveilleuses qui remplaçaient ses espadrilles, ou des robes extraordinaires tissées par des génies dans des cavernes de diamants et de rubis, lesquelles robes remplaceraient à un moment donné le caraco et la jupe en indienne qu'elle se promettait. Sans doute, ce moyen de suggestion n'était pas infaillible, et son imagination inconsciente ne lui obéissait ni assez fidèlement, ni assez régulièrement pour avoir la certitude, en fermant les yeux, que les pensées de sa nuit continueraient celles de la journée, ou celles qu'elle suivait quand le sommeil la prenait. Mais enfin, cette continuation s'enchaînait quelquefois, et alors ces bonnes nuits lui apportaient un soulagement moral aussi bien que physique qui la relevait. Ce soir-là, quand elle s'endormit dans sa hutte close, la dernière image qui passa devant ses yeux à demi noyée par le sommeil, aussi bien que la dernière idée qui flotta dans sa pensée engourdie, continuèrent son voyage d'exploration aux abords de l'île. Cependant, ce ne fut pas précisément de ce voyage qu'elle rêva, mais plutôt de festin. Dans une cuisine haute et grande comme une cathédrale, une armée de petits marmitons blancs, de tournure diabolique, s'empressait autour de tables immenses et d'un brasier infernal. Les uns cassaient des œufs, que d'autres battaient et qui montaient en mousse neigeuse, et de tous ces œufs, ceux-ci gros comme des melons, ceux-là à peine gros comme des pois, ils confectionnaient des plats extraordinaires, si bien qu'ils semblaient avoir pour but d'arranger ces œufs de toutes les manières connues, sans en oublier une seule, à la coque, au fromage, au beurre noir, aux tomates, brouillés, pochés, à la crème, au gratin, en omelettes variées, au jambon, au lard, aux pommes de terre, aux rognons, aux confitures, aux rhums qui flambaient avec des lueurs d'éclairs. Et à côté de ceux-là, d'autres plus importants et qui incontestablement étaient des chefs, mélangeaient d'autres œufs à des pâtes pour en faire des pâtisseries, des soufflets, des pièces montées. Et chaque fois qu'elle se réveillait à moitié, elle se secouait pour chasser ce rêve bête, mais toujours il reprenait, et des marmitons qui ne la lâchaient point continuaient leur travail fantastique, si bien que quand le sifflet de l'usine la réveilla, elle en était encore à suivre la préparation d'une crème au chocolat dont elle retrouva le goût et le parfum sur ses lèvres. Et alors, quand la lucidité commença à se faire dans son esprit qui s'ouvrait, elle comprit que ce qui l'avait frappée dans son voyage, ce n'était ni le charme, ni la beauté, ni la tranquillité de son île, mais tout simplement les œufs de Sarcelle qui avaient dit à son estomac que depuis 15 jours bientôt, elle ne lui donnait que du pain sec et de l'eau. Et c'était ces œufs qui avaient guidé son rêve, en lui montrant ses marmitons et toutes ses cuisines fantastiques. Il avait faim de ces bonnes choses, cet estomac, et il le disait à sa manière en provoquant ses visions, qui en réalité n'étaient que des protestations. Pourquoi n'avait-elle pas pris ses œufs, ou quelques-uns de ses œufs qui n'appartenaient à personne, puisque la Sarcelle qui les avait pondus était une bête sauvage? Assurément, n'ayant à sa disposition ni casserole ni poêle, ni ustensiles d'aucune sorte, elle ne pouvait se préparer aucun des plats qui venaient de défiler devant ses yeux, tous plus alléchants, plus savants les uns que les autres, mais c'est là le mérite des œufs précisément, qu'ils n'ont pas besoin de préparation savante. Une allumette pour mettre le feu à un petit tas de bois sec ramassé dans les taillis, et sous la cendre, il lui était facile de les faire cuire comme elle voulait, à la coque ou dur, en attendant qu'elle pût se payer une casserole ou un plat. Pour ne pas ressembler au festin que son rêve avait inventé, ce serait un régal qui aurait son prix. Plus d'une fois pendant son travail, ce pourquoi lui revint à l'esprit. Et si ce ne fut pas avec le caractère d'une obsession comme son rêve, il fut cependant assez pressant pour qu'à la sortie, elle se trouvât décidée à acheter une boîte d'allumettes et un sou de sel. Puis ses acquisitions faites, elle partit en courant pour revenir à son entaille. Elle avait trop bien retenu la place du nid pour ne pas le retrouver tout de suite. Mais ce soir-là, la mère ne l'occupait pas. Seulement, elle y était venue à un moment quelconque de la journée, puisque maintenant, au lieu de 10 œufs, il y en avait 11, ce qui prouvait que n'ayant pas fini de pondre, elle ne couvait pas encore. C'était là une bonne chance, d'abord parce que les œufs seraient frais, et puis parce qu'en en prenant seulement 5 ou 6, la Sarcelle qui ne savait pas compter ne s'apercevrait de rien. Autrefois, Perrine n'eut pas eu de ces scrupules, et elle eût vidé complètement le nid, sans aucun souci. Mais les chagrins qu'elle avait éprouvés lui avaient mis au cœur une compassion attendrie pour les chagrins des autres, de même que son affection pour Palicard lui avait inspiré pour toutes les bêtes une sympathie qu'elle ne connaissait pas en son enfance. Cette Sarcelle n'était-elle pas une camarade pour elle? Ou plutôt, en continuant son jeu, une sujette? Si les rois ont le droit d'exploiter leurs sujets et d'en vivre, encore doivent-ils garder avec eux certains ménagements. Quand elle avait décidé cette chasse, elle avait en même temps arrêté la manière de la faire cuire. Bien entendu, ce ne serait pas dans l'eau mûche, car le plus léger flocon de fumée qui s'en échapperait pourrait donner l'éveil à ceux qui le verraient, mais simplement dans une carrière du taillis où campaient les nomades qui traversaient le village et où, par conséquent, ni un feu ni de la fumée ne devaient attirer l'attention de personne. Promptement, elle ramassa une brassée de bois mort et bientôt elle eut un brasier dans les cendres duquel elle fit cuire un de ses œufs, tandis qu'entre deux silex bien propres et bien polis, elle égrugeait une pincée de sel pour qu'il fondît mieux. À la vérité, il lui manquait un coquetier, mais c'est là un ustensile qui n'est indispensable qu'à qui dispose du superflu. Un petit trou fait dans son morceau de pain lui en tint lieu. Et bientôt elle eut la satisfaction de tremper une mouillette dans son œuf, cuit à point. À la première bouchée, il lui sembla qu'elle n'en avait jamais mangé d'aussi bon. Et elle se dit qu'alors, même que les marmitons de son rêve existeraient réellement, il ne pourrait certainement pas faire quelque chose qui approchât de cet œuf de sarcelle à la coque, cuit sous les cendres. Réduite la veille à son seul pain sec, et n'imaginant pas qu'elle pût y rien ajouter avant plusieurs semaines, des mois peut-être, ce souper aurait dû satisfaire son appétit et les tentations de son estomac. Cependant, il n'en fut pas ainsi. Elle n'avait pas fini son œuf qu'elle se demandait si elle ne pourrait pas accommoder d'une autre façon ce qui lui restait, aussi bien que ceux qu'elle se promettait de se procurer par de nouvelles trouvailles. Bon, très bon, le falacoque, mais bon aussi une soupe chaude liée avec un jaune d'œuf. Et cette idée de soupe lui avait trotté par la tête avec le très vif regret d'être obligée de renoncer à sa réalisation. Sans doute la confection de ses espadrilles et de sa chemise lui avait inspiré une certaine confiance en lui démontrant ce qu'on peut obtenir avec de la persévérance. Mais cette confiance n'allait pas jusqu'à croire qu'elle pourrait jamais se fabriquer une casserole en terre ou en fer blanc pour faire sa soupe, pas plus qu'une cuillère en métal quelconque ou simplement en bois pour la manger. Il y avait là des impossibilités contre lesquelles elle se casserait la tête. Et en attendant qu'elle eût gagné l'argent nécessaire pour l'acquisition de ces deux ustensiles, elle devrait, en fait de soupe, se contenter du fumet qu'elle respirait en passant devant les maisons et du bruit des cuillères qui lui arrivaient. C'était ce qu'elle se disait un matin en se rendant à son travail, lorsqu'un peu avant d'entrer dans le village, à la porte d'une maison d'où l'on avait déménagé la veille, elle vit un tas de vieilles pailles jetées sur le bas-côté du chemin, avec des débris de toutes sortes, et parmi ces débris elle aperçut des boîtes en fer blanc qui avaient contenu des conserves de viande, de poissons, de légumes. Il y en avait de différentes formes, grandes, petites, hautes, plates. En recevant l'éclair que leur surface polie lui envoyait, elle s'était arrêtée machinalement. Mais elle n'eut pas une seconde d'hésitation. Les casseroles, les plats, les cuillères, les fourchettes qui lui manquaient venaient de lui sauter aux yeux. Pour que sa batterie de cuisine fût aussi complète qu'elle la pouvait désirer, elle n'avait qu'à tirer parti de ses vieilles boîtes. D'un saut, elle traversa le chemin et à la hâte fit choix de 4 boîtes qu'elle emporta en courant pour aller les cacher au pied d'une haie sous un tas de feuilles sèches. Au retour, le soir, elle les retrouverait là et alors, avec un peu d'industrie, tous les menus qu'elle inventait pourraient être mis à exécution. Mais les retrouverait-elle? Ce fut la question qui pendant toute la journée la préoccupa. Si on les lui prenait, elle n'aurait donc arrangé toutes ses combinaisons de travail que pour les voir lui échapper au moment même où elle croyait pouvoir les réaliser. Heureusement, aucun de ceux qui passèrent par là ne s'avisa de les enlever. Et quand la journée finit, elle revint à la haie, après avoir laissé passer le flot des ouvriers qui suivaient ce chemin. Elles étaient à la place même où elle les avait cachées. Comme elle ne pouvait pas plus faire du bruit dans son île que de la fumée, ce fut dans la carrière qu'elle s'établit, espérant trouver là les outils qui lui étaient nécessaires, c'est-à-dire des pierres dont elle ferait des marteaux pour battre le fer blanc, d'autres plates qui lui serviraient d'enclume ou rondes de mandrin, d'autres seraient des ciseaux avec lesquels elle le couperait. Ce fut ce travail qui lui donna le plus de peine, et il ne lui fallut pas moins de 3 jours pour façonner une cuillère. Encore n'était-il pas du tout prouvé que si elle l'avait montrée à quelqu'un, on eût deviné que c'était une cuillère, mais comme c'en était une qu'elle avait voulu fabriquer, cela suffisait. Et d'autre part, comme elle mangeait seule, elle n'avait pas à s'inquiéter des jugements qu'on pouvait porter sur ses ustensiles de table. Maintenant, pour faire la soupe dont elle avait si grande envie, il ne lui manquait plus que du beurre et de l'oseille. Pour le beurre, il en était comme du pain et du sel. Ne pouvant pas le faire de ses propres mains, puisqu'elle n'avait pas de lait, elle devait l'acheter. Mais pour l'oseille, elle économiserait cette dépense par une recherche dans les prairies, où non seulement elle trouverait de l'oseille sauvage, mais aussi des carottes, des salsifis, qui, tout en n'ayant ni la beauté ni la grosseur des légumes cultivés, seraient encore très bons pour elle. Et puis il n'y avait pas que des œufs et des légumes dont elle pouvait composer le menu de son dîner, maintenant qu'elle s'était fabriqué des vases pour les cuire, une cuillère en fer blanc et une fourchette en bois pour les manger. Il y avait aussi les poissons de l'étang, si elle était assez adroite pour les prendre. Que fallait-il pour cela? Des lignes qu'elle amorcerait avec des vers qu'elle chercherait dans la vase. De la ficelle qu'elle avait achetée pour ses espadrilles, il restait un bon bout. Elle n'eut qu'à dépenser un sou pour des hameçons. Et avec des crins de cheval qu'elle ramassa devant la forge, ces lignes furent suffisantes pour pêcher plusieurs sortes de poissons, sinon les plus beaux de l'entaille qu'elle voyait dans l'eau claire passer dédaigneux devant ces amorces trop simples, au moins quelques-uns des petits, moins difficiles, et qui pour elle étaient d'une grosseur bien suffisante.